بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. Par l'aube, par les dix jours du pèlerinage, par les nombres pairs et impairs, par la nuit qui passe, n'y a-t-il pas là un sujet de serment pour les hommes raisonnables ? أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ. N'as-tu pas vu ce que ton Seigneur a fait du peuple de Ad, de la cité de Hiram, aux hautes colonnades, sans pareil au monde ? وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. Du peuple de Thamoud qui taillait les rocs dans les vallons et de Pharaon aux fortes assises, tous se sont comportés en tirant sur terre. Ils y ont semé un grand désordre. Ton Seigneur a déversé sur eux son châtiment qui les a frappés de plein fouet. Inna rabbaka labil mirsad. Ton Seigneur observe et riposte. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve et le comble de ses bienfaits, il se vante en disant « Mon Maître m'a honoré ». بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. Mais quand il l'éprouve et réduit son revenu, il se lamente en criant « Mon maître m'a humilié ». Mais non, c'est que vous, les infidèles, ne prenez pas soin des orphelins. Vous ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le démuni. Vous vous emparez avec voracité de l'héritage d'autrui et vous vouez aux richesses un amour inconsidéré. Mais attendez, quand la terre sera entièrement pulvérisée, quand ton Seigneur viendra avec les anges en rangées successives, وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. Et quand la géhenne sera présentée, ce jour-là, l'homme se souviendra du message divin, mais ce sera alors en vain. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. Il dira, que n'eusse-je préparé le salut de mon âme. Ce jour-là, nul ne saurait châtier comme lui, et nul ne saurait cerner comme il cerne. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Ô âme sereine, retourne à ton Seigneur satisfaite et agréée. Rejoins mes serviteurs pieux et intègre mon paradis.